Et puis, il y a une clause très générale qui protège aussi la vie privée des individus. Donc, il ne faut pas que, par le droit de regard sur les affaires de l'administration, eh bien, on puisse entrer dans la sphère privée des individus. Là, je veux dire que la clause générale est très, très vague. Et là, il y a encore matière à beaucoup d'interprétations pour trouver vraiment la juste limite entre la protection de la sphère privée, mais il ne faut pas non plus que la protection de la sphère privée devienne en soi un rideau pour l'administration. Autrement dit, qu'elle invoque le secret de tiers, de citoyens, pour en fait ne pas donner de documents qui la dérangent. Mais ça, on verra lorsque la loi s'applique.